Et nous avons Gérard, donc, qui est fan du Yannick en question. Alors, Olivier, toi c'est Manu. Bonsoir, ça va bien? Manu, Yannick, c'est qui exactement? C'est... Pourquoi tu demandes à moi? Parce que c'est un mec d'un membre. D'un groupe. C'est. Le Badenec? Non, t'es fou quoi! Mafia Tressée? Ah, Mafia Tressée, voilà! Ah, tu mets ce que je demande si tu veux pas! Putain, mais tu connais rien en rap toi en réalité! Mafia Tressée, non, j'avais oublié! Mafia Tressée, donc c'est un groupe quand même assez. Et là, c'est un peu bizarroïde quoi! Je dis rien moi! Bah, tu dis rien! Oh, l'autre, il a peur de se faire descendre! Gérard! Mais c'est bien, alors Yannick, t'es fan donc il sera Dance Machine! Gérard, tu travailles ou je passe directement à Jean-Pierre, moi c'est pas un problème, hein, j'ai du monde derrière qui attend, donc si non, tu t'endors. Non, mais attends, t'es en train de faire chuter l'audience là. Moi j'ai appelé Noémie. Noémie, c'est elle qui m'a dit que Yannick. Oui bon il passe pas. Gérard, on va arrêter là-dessus, il passe pas chez moi, ça sera bientôt, et ça sera chez Digifil entre 19h et 21h, c'est peut-être trompé, c'est pas grave, il sera également à Dance Machine. T'es fan de Yannick, tu veux quoi, le 45 tours? Le CD. D'accord, ok, c'est appelé pour ça. Bah ouais. Super. Donc tu passes en direct pour me demander un truc comme ça. Mais non, bah. T'es le premier à me dire que les auditeurs sont nuls en antenne et toi tu fais un truc qui est aussi nul que les auditeurs. Non. Ah, je suis désolé. Non, bah allez. Bon, on va pas continuer de parler de Yannick là, 107 ans. Bon, sinon toi, comment tu vas? Ça va. Attends, Gérard. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas de tes nouvelles. Comment tu vas, toi, mon chef à l'oreille? Bah écoute, c'est assez marrant parce que. Les deux branleurs là, tu dis à l'autre là, qu'il se calme, sinon je les tripe. Non, mais ce qui est génial, c'est que deux fois quand on s'est au téléphone, tu me dis putain, en ce moment ton audience ça marche pas, j'ai l'impression que tous les mecs c'est que des nazes. Et toi, tu me parles de Yannick, tu veux un 45 tours, bon ok. Et après, tu me demandes comment je vais. Est-ce que tu crois franchement que les auditeurs ils en ont quelque chose à foutre de ça? Bon, alors. Bon, moi j'ai une autre question plutôt qui sera quand même beaucoup plus intéressante que tout ça. Comment va Bibi? Bibi va bien. Bibi va bien, elle est en forme. Elle est en pleine forme, elle est avec les deux écouteurs dans les oreilles et à ton registre en plus. D'accord, très bien. Elle continue à t'enregistrer. Ah bon, alors Bibi. Laisse pas tomber. Bibi, si tu m'écoutes, elle m'écoute là? Ouais, t'écoutes. Bon, bah alors Bibi, écoute bien Bibi. Tout ça, c'est la langue qui va directement dans tes oreilles pour aller récupérer le miel pour en donner à quelques abeilles. Waouh! Ça lui fera plaisir, ça, hein? Ouais. Ça, c'est quand même affectif. Elle m'énerve, tu peux pas lui faire un petit pseudomane? Sors-moi un pseudomane, là. Non, pas pour le moment, non. Tout à l'heure. Vas-y. Tout à l'heure. Vas-y, fais-moi plaisir, sors-lui un pseudomane, là, maintenant. Putain, mais t'es gourmand, toi, hein? Mais ouais, mais. Toi, t'appelles à l'antenne, tu fais la pluie, le beau temps, t'appelles pour me demander comment je vais. Bon, c'est sympa, mais bon, celui-là, c'est pas plus intéressant que les autres à ce moment-là. Tu permets de donner des sons et tout ça, et après, il faut faire monsieur pour faire plaisir à sa meuf, t'inquiète pas, je vais appeler Max, on va se faire un petit sodomane, on va se faire un petit truc comme ça, tranquille, quoi, la vie est belle, quoi, pour monsieur, hein. Ouais, ben, tranquille. Bah ouais, je vois ça, hein. Tranquille, maintenant que je m'appelle plus l'homme de fer, hein. Comment ça, tu t'appelles plus l'homme de fer? Ben non, je suis pas l'homme de fer sans rien dans mes plaques, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est fini. Ah oui, Steve Austin, là. Ouais. Non. Merde. C'est ça que je voulais faire, Mais non. Non. Bon. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, maintenant, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Eh oui, je sais bien, l'homme qui valait... Comme un lion, maintenant. Bah oui, je sais bien. Bon, donc il faut faire un truc pour ta meuf, quoi. Ouais, je dis un petit sodomane. Bah, enfin, tu réclames quand même vachement, toi, dis donc, Eo. Hein? Ouais, sodomane, tu sais bien que c'est la reine de la sodomie. Bah oui, je sais bien, c'est... Ah! Tu reconnais que... Tu vois, Fidel et Manu? Sodomane, c'est quoi? Non, mais t'as dit que c'était la reine de la sodomie, ta petite Bibi. Bah ouais, bah de toute manière, elle aime. En plus, et quand faut faire la sodomie, je préviens bien les auditeurs et auditrices, si vous faites ça avec votre copain ou votre copine, surtout avec votre copine, vous prévoyez une bouteille d'eau. Pourquoi c'est Sandy qui avait précisé qu'on faisait la sodomie. Pourquoi il y a besoin d'une bouteille d'eau pour la sodomie? Ah mais je sais pas, pour que ça fasse moins mal. Ah bon, parce que... Attends, tu veux dire que tu mets de l'eau Ah mais c'est elle qui l'avait dit une fois, attends, hein. Quand tu y avais posé la question une fois, elle t'avait dit, surtout avec de l'eau. Mmh. Hein? Donc continuez avec de l'eau. Oh là là, c'est bon, ouais, on va arrêter mais là. Le mieux. Non, mais c'est quand même hallucinant que quand même elle donne des conseils que toi, alors que tu le fais avec elle, t'es même pas foutu de savoir à quoi ça sert. C'est comme si je disais. J'en sais rien. Non, moi, j'ai pas besoin de mettre d'eau, moi, pour faire de la sodomie, moi. Et alors, faut pas être égoïste quand tu fais l'amour, c'est à deux. Donc, si elle a besoin de flotte, abruti. Tu veux savoir ce que j'ai fait hier? Mais non, mais si t'as besoin, si elle a besoin de flotte, abruti, que tu fais l'amour avec elle à sodomie, t'as besoin de ça. Ça t'intéresse même pas de savoir pourquoi elle a besoin d'eau, à quoi ça. Elle l'utilise pour quoi? Pour boire ou pour se la foutre dans le derrière? Non, mais elle s'en met un petit peu sur la règle du cul pour avoir la main avant de que de se guéguer rompre. Oh là là là là là là là là là. Mais moi je croyais que Gérard, en fait, tu te mettais le sexe dans la bouteille d'eau pour la pénétrer. Mais non, mais moi je me pas besoin de mettre mon sexe dans. Oh là là là là, pour se laver la. Non, laisse tomber, c'est pour enlever le caca, c'est pour. Oh non, bah stop, c'est écœurant. Bah. Mais attends, tu sais ce que j'ai fait hier? Elle m'a tellement énervé que hier soir. J'ai mis les deux points. Attends, une bataille de crème à la vanille et de crème au chocolat, mais alors grave dessus, grave. Génial. Puis tu parles branché maintenant, t'es un branché toi, hein. Ah ben, c'est de sa faute aussi. Ah ouais, c'est clair, ouais, elle est dans le vent, elle. Hein. D'ailleurs, elle en lâche quelques-uns, à mon avis, avant de se coucher, ça doit être sympathique. Hein. Bon, allez, je vais essayer de me concentrer quelque part, et pour faire plaisir à Bibi, il y a bon nombre de gens, je vais essayer, mais il faut que ça rentre, il faut lui demander de venir. Alors, je sais pas si c'est toujours facile, attention. Tu m'entends? Sodoman! Je suis le Sodoman, le sodomisateur de petits et de gros culs. Je viens de prendre l'âme ainsi que le corps de notre ami Max. Je suis Sodoman! J'attrape toutes les petites demoiselles de plus de 18 ans qui seraient intéressées par ça. J'aime les petits culs et tu connais ma chanson, alors chante-la avec moi, sinon je resterai toute cette soirée. Sodoman! Comment vas-tu? Bien et toi? Ah bah ça va, la forme. T'as déjà mangé ce soir? Ouais, que j'ai mangé des petits culs, toujours des petits culs. Je boufferais bien un tout petit cul, deux, trois peut-être même avant de coucher. Je suis Sodoman. T'as raison, Sodoman, faut profiter de la vie au maximum. Hein. Eh oui, il faut. J'étais aujourd'hui dans Paris avec le soleil, je voyais tous ces petits culs qui étaient dans des strings. Ah bah tu sais, sur Paname, il y en a pas mal, les petits culs. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est t'amuser. Hein. Tais-toi, Solange, et laisse-moi parler. Tu vois, Pépé, j'ai pas trop compris ce que t'as dit. Je disais que l'été, j'aime bien aller me balader. Tais-toi, Solange, ferme-toi, tais-toi. Bah écoute, c'est dommage, je suis content de t'avoir parlé quand même, hein. Bah tais-toi et laisse-moi terminer, sinon je vais recoudre ton gros derrière. Ok. Ce que j'aime bien, c'est aller dans les camps de nudistes et d'aller voir tous ces petits culs qui vont se faire bronzer tout l'été sur la Côte d'Azur ou je ne sais où. Allez-y les petits culs, faites-vous bronzer. C'était Sodoman, dans la peau et dans l'esprit de Max, votre animateur préféré, qui est à ma merci. Je reviendrai. Oh putain. Oh là, c'est chaud. Oh, c'est étouffant. Hein. Faut voir l'énergie que ça me pompe, hein, de le faire venir dans mon corps comme ça, mais ça me tue, hein. Ah, c'est du sport, hein. Ah bah non, c'est rien, mais c'est que il rentre dans ma peau et je te jure, le parler 2 minutes comme ça, c'est comme si j'avais parlé pendant plus d'une heure. Ça m'épuise, je transpire en plus. Ah ouais, maintenant, ah, c'est chaud, hein, de ce temps-là, ouais. Ah, c'est... C'est pas évident. Ah non, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Faut pas lui demander de venir à chaque fois, parce que s'il vient, je te jure, ça m'épuise. Ah ouais, bon, bah, Bibi. Ouais, d'accord, tu vas te reposer après. Tu quittes pas, je te repasse Manu au fil d'art en antenne, d'accord? Ok, d'accord. Allez, bonne